personne. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je n'ai la queue au riff, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je fais ni la queue au Ritz, ni au McDonald's. Si c'est eux qui ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon sera sûrement désagréable. On trinque à nos palafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, on t'idée, y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs, les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai carrelage et des moutons tous sur le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir fasse mon troisième pas. Je ne t'aime pas ni chiquer avec toi. Quand tu baisses ta dame, que je suis tout cœur avec toi. A même pas de quoi me faire fumer, qu'est-ce que je vais faire avec toi. J'parle de regard, j'y ai baigné, même si j'y suis beaucoup moins. J't'écris du bloc avec G-A-T-O, V-A-T-O, vos grands moins. Y'a du son, de la chatte, du shit, y'a de web et de I dans le coin. Rose vite dans la chatte du smic, coup de pire, tourné dans le coin. Bombe nucléaire sur le game, il ne restera que moi et les rats. Quand je compterai dans l'Aveyron, jamais tu me reverras. Inspiré par la musique de ces deux ans d'Augustin. S'injecte négro sur place publique pour eux, rien n'est grave. J'ai couronne sur la tête, pourtant c'est le voisin qui a eu la peuf. N'y aura jamais de trêve, mon numéro du 93. Très éboulé, loco, banal, le rap c'est haram. J'ai nocif sur ces négros, j'fais les Boko Haram. Ne fais pas trop de bien, ou tu seras curé sur une croix. La rafale dans ta grand-mère arrivera plus tôt que tu ne crois. La racine elle me dégoûte, j'allume gros pilon, j'allume. Quitte ta fondation de merde, j'préfère sauver les animaux. On trinque à nos balafres, à nos crochets tous les soirs. Noir c'est noir, on tilde, y'a donc vraiment plus d'espoir. Les vainqueurs, les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les cribles, les vainqueurs racontent l'histoire. Personne dans le monde ne marche du même pas. Leurs règles ont toute une tombe, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Des allers-retours en prison, certains n'en reviennent pas. J'ai une carrelage et des moutons tous sous le même toit. Toujours d'humeur à l'élever, que l'avenir fasse mon troisième doigt. Je t'aime pas ni chiquer avec toi. Quand tu baisses ta dame, que je suis tout cœur avec toi. A même pas de quoi me faire fumer, qu'est-ce que je vais faire avec toi. Thank you.